Actes chapitre 6. Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, sur ce que leur veuve était méprisée dans le service ordinaire. C'est pourquoi les douze ayant appelé la multitude des disciples, dirent, « Il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Regardez donc, mes frères, de choisir cet homme d'entre vous, de qui on est bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auquel nous commettions cette affaire. Et pour nous, nous continuerons de vaquer à la prière, et à l'administration de la parole. » Et ce discours plut à toute l'assemblée qui était là présente, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parmena, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, un grand nombre aussi de sacrificateurs obéissaient à la foi. Or Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Et quelques-uns de la synagogue appelée la synagogue des Libertins, et de celle des Cyréniens, et de celle des Alexandrins, et de ceux qui étaient de Cilicie, et d'Asie, se levèrent pour disputer contre Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent des hommes, qui disaient, « Nous lui avons ouï proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils soulevèrent le peuple, et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils l'enlevèrent, et l'amenèrent dans le conseil. Et ils présentèrent de faux témoins, qui disaient, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi. Car nous lui avons ouï dire que ce Jésus le Nazaréen détruira ce lieu-ci, et qu'il changera les ordonnances que Moïse nous a données. » Et comme tous ceux qui étaient assis dans le conseil, avaient les yeux arrêtés sur lui, ils virent son visage comme le visage d'un ange.